J'suis dans le lin, vois flou, pétage, j'arrive éclaté au pas des rimes. Cette rate est sous la prise tous les jours, check quand colis atterrit. Moi j'fonce comme Kevin, j'ai la vision comme Kevin, c'est fini pour son drôle comme Kevin. Différents types de frappe comme un buteur, et j'arrive blindé comme un lutteur. Un négro comme Billy, t'as des frappes comme Billy, tu es un observé comme Billy. Resterai du perso à la tombe, reste unique si jamais j'arrête le marathon. Les cadavres de frappe commencent à s'entasser. Focus comme si j'ai bu sans café, non du rap comme si j'habite à s'entasser. Reste sur la prise, connecté comme un câble éternel. Moi je ne veux que devant l'éternel. Fini la tâche en balle. Si j'ai la tâche, j'ai pas du cash en balle. L'un dans le monde, je fais un flash en balle. Il fait de crash, de crash en balle. Je mets un flacon dans le délit. Je suis dans la défense comme délit. Les brûlants en délit. Vos rappeurs sont lourds comme délit. Pétasse, leur face, 700. J'avance comme si j'avais 700. Si bleu, high tech. Je me la cali, je me dry tech. Dodo, en sachet. Vos rappeurs nous écoutent chaque jour en cachet. Il faut que je m'entraîne depuis le logo. Ce sont là, c'est le triangle logo. Au milieu comme Alan, technique de malade. De la même salle, c'est mieux la lame. Dans un menace, fantôme. De la continentale et la fantôme. Pétasse. Sur la black marque, ils sont au smoke. Rarissime comme mon Rosco. Je suis dans le lin, le zan, ils sont au smoke. Je n'ai pas de vernis, je n'ai pas de teinture. SOK, tu joues, on ne prend pas de teinture. C'est la malade, 37%. Pendant qu'une délade à 37%. J'ai deux ans de France que je prends 7%. J'ai leur deuxième forme, je suis à 7%. Pétasse. Je mets un flacon dans le délit. Je suis dans la défense comme délit. Je les brûle en délit. Vos rappeurs sont lourds comme délit. Je mets un flacon dans le délit. Je suis dans la défense comme Delhi. Je les brûle en Delhi. Vos rappeurs sont lourds comme Delhi. Les dames. Dans le prix, 7 ans. J'avais 7 ans.